Audiomatique. Got to have that. Il est malheureusement décédé le 16 décembre dernier à l'âge de 66 ans après avoir œuvré plus de 50 ans comme poète, musicien, percussionniste d'avant-garde et artiste sonore. Il est considéré par plusieurs comme un des pionniers de la musique dite industrielle. Stefan Joel Weser est né à Los Angeles en 1951. Il a étudié les percussions au cours des années 60 et a fondé son projet Zev en 1979. De ce projet, nous entendions en introduction de cette transmission 169 d'Audiomatic la pièce Heads and Tails No. 27, Song Scene No. 4, tirée de l'album Face the Wound, paru en 2001. Les électronistes poursuivent leur mission de diffuser leur découverte de différents artistes marquant la musique électronique, son histoire et ses différents courants. Toujours présents en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM, les électronistes utilisent le plus efficacement possible l'espace-temps d'une heure qui leur est alloué les mercredis de 17h à 18h, c'est-à-dire en laissant le plus de place possible à la musique. Thank you. extracting an ocean through a needle, ripped through a keyhole. Can't fathom the grass. I can't. Body memory kicks in. when my body memory kicks in. Bassons and embraces. Oral, anal entrances. Enjoy the satisfaction. If the other is growing, l'artiste islandaise Björk a tout récemment publié sa nouvelle œuvre Utopia, composée et produite en grande partie avec le compositeur Alejandro Gerci, mieux connu pour son projet Arca. Donc, de l'album Utopia, nous écoutions la longue pièce Body Memory. Et avant Björk, c'était l'artiste français Frank Zaragoza et son projet Au cœur, de qui nous entendions la pièce Progression ou Progression, tiré de son plus récent album Reversed, paru en 2016. La syntaxe musicale d'Audiomatic poursuit sa structure avec Juno Reactor.

Pour terminer cette séquence musicale, nous avions droit à Audiomatique, à l'artiste alaskain James Church, qui est surtout connu pour son projet Lucid Static, mais qui œuvre également en tant que Pandora's Black Box. De ce dernier, nous entendions la pièce Whiteout de l'album Black Brattle. Tout juste avant, il s'agissait de Sunlux, trio américain mené par Ryan Lott, qui nous interprétait la chanson White Lies de son plus récent album Bones. Un nouvel album intitulé Brighter Wounds devrait paraître le 9 février 2018. Et pour débuter, la formation britannique Juno Reactor nous présentait la pièce Navras, remixée par le duo indien Medieval Pundits. On peut retrouver cette version sur la compilation Inside the Reactor. La version originale de Navras est parue sur l'album Labyrinth en 2004. La prochaine composition est l'œuvre du projet Vinterriket. Vinterriket est un mot norvégien qui signifie « royaume de l'hiver » et c'est d'ailleurs autour de cette thématique que l'Allemand Christophe Ziegler développe sa démarche artistique tant sur les plans musical que visuel et lyrique. De son mini-album Firntan, paru en 2008, nous entendrons la pièce Schneehain. Cette séquence musicale constituée d'une seule pièce était l'œuvre du projet Winterricket et de sa composition Schneehain qui paraît sur le mini-album Firntan. Nous mettrons un terme à cette transmission 169 d'Audiomatique avec le duo américain Thievery Corporation et leur composition Shadows of Ourselves, sur laquelle on peut entendre la chanteuse Lulu Gelishkali. Cette pièce est tirée de leur deuxième album, The Mirror Conspiracy, qui a été lancé en 2000. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre la prochaine transmission d'Audiomatique. Sachez également qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatique quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Voici Thievery Corporation, accompagné par la chanteuse Lulu Gelishkali, qui nous interprétera Shadows of Ourselves. C'était Audiomatique avec les électronistes. Thank you.